Caprice de lecture sur Fadjet, animé par Sarah. Bonjour à tous. Bienvenue dans cette nouvelle émission de Caprice de lecture où aujourd'hui je reçois une auteure de notre région, originaire du Grand Est et qui est toujours en Grand Est, Danielle Zitella. Bonjour Danielle. Bonjour. Je suis très contente de vous recevoir aujourd'hui pour ce nouvel opus de l'émission. Donc pour votre premier roman qui s'appelle Papa, j'ai grandi à l'école aux éditions Paroles de Lorrain. Alors l'émission va se décomposer comme d'habitude autour de 5 questions avec des coupures musicales que vous avez choisies, Daniel. Vous nous direz un petit peu pourquoi vous les avez choisies et on commence tout de suite. Donc Papa, j'ai grandi à l'école et c'est votre premier roman qui est donc vous travaillez avec les éditions Paroles de Lorrain. Comment s'est passée cette rencontre avec ces éditions? Je crois qu'elle est née d'une qualité qui pour moi est importante et qui est la curiosité. Donc j'ai l'habitude de farfouiller un petit peu partout, de m'intéresser un peu à tout. Et puis je suis tombée un jour sur un magazine qui s'appelait Parole. Okay. Et je suis entrée en contact avec l'éditeur via Facebook, donc via un réseau social. Et puis nous avons échangé, on a appris à se connaître. Je l'ai aidé dans la rédaction d'articles de Parole parce que j'écris un certain nombre d'articles dans ce magazine, qui est un magazine d'ailleurs qui est consacré à la Lorraine et au Lorrain. D'accord. Et donc au fur et à mesure du temps, eh bien, moi-même de mon côté, j'écrivais un petit peu et je lui ai demandé si ça l'intéresserait de publier mon ouvrage. Et donc il a accepté avec grand enthousiasme. Donc c'est une super rencontre. Oui, une et très qui belle dure rencontre. Du coup. Oui, et qui dure. Ah, c'est et qui super. Dure, oui. C'est super. Alors, moi j'ai lu tout votre roman et il y a une citation page 29 du roman qui m'a surprise, mais en même temps qui fait écho pour moi. Donc c'est pour ça que j'avais envie qu'on en parle. Où vous dites, je cite, « J'aime la simplicité, les effets de manche, les discours grandiloquents, les doctes recherches de sens me font peur, car je ne les comprends pas. » Et quand on a lu donc l'intégralité de votre livre, on comprend que les valeurs qui vous ont été transmises, ce n'est pas justement les grands discours. Et est-ce que c'est lié en fait quand vous écrivez ça? Est-ce que ça fait écho avec votre éducation que vous avez reçue? Oui, ça fait écho évidemment à mon éducation puisque je suis issue d'un milieu ouvrier où la simplicité est une évidence. Et puis on essaie évidemment dans la vie de tous les jours de l'appliquer. Et en ce qui me concerne dans mon métier, puisque je suis professeure de lettres, j'essaie de l'appliquer aussi, puisque lorsque bien, mes élèves sont face à un texte qui est extrêmement difficile à comprendre, je leur dis, mais ne vous inquiétez pas, vous êtes tout à fait normaux. Effectivement, le texte est très difficile, il y a des mots que vous ne comprenez pas, mais ça n'est pas très important. Ce qu'il compte, oui. C'est que vous compreniez le sens global du texte et décrivez les choses telles que vous les sentez. N'allez pas chercher du vocabulaire d'analyse qui est très compliqué et qui finalement ne permet pas forcément d'aller au sens. Ou qui n'apporte pas forcément un plus. Oui, qui n'apporte pas forcément un plus. Oui, vous avez trouvé le mot juste. Voilà, qui n'apporte pas forcément un plus et qu'on se sent obligé d'utiliser au détriment souvent de ce qu'un texte peut faire ressentir. Okay. Et pour moi, c'est le plus important. Donc, cette simplicité-là, je l'aime et je la pratique. Elle serait synonyme d'authenticité, du coup. Oui, elle est synonyme d'authenticité pour moi. Ok. Oui. Voilà, c'est en ce sens-là que j'explique effectivement que j'ai peur des effets de manche. Oui. Effectivement. Ok. Alors, on va faire la première coupure musicale, donc avec un extrait ou une musique que vous avez choisi, Daniel, qui s'appelle « Les mains d'or » de Bernard Lavillier. Alors, pourquoi ce choix? Alors, Bernard Lavillier, parce que moi, ce que j'aime beaucoup... En ce monde, c'est les gens qui sont engagés et engagés dans des causes. Et bon, Lavillier est un exemple flagrant puisqu'il est allé à Florange à plusieurs reprises, oui. D'ailleurs, et notamment au moment des événements d'ArcelorMittal. Et donc, il est allé les soutenir. Et bon, voilà, cette chanson-là est pour eux. Il en avait créé d'autres déjà, oui. Avant, hein, puisque lui-même a ce passé sidérurgiste. Là, pour moi, c'est très important. Qu'en tant qu'artiste, on ait un engagement. Oui.

par le métier de la sidérurgie, a apporté. À quel moment vous avez eu envie de transmettre ça? Parce que c'était toute votre enfance jusqu'à votre adolescence. Est-ce qu'un matin, on se lève en se disant, mais moi, voilà, on sait que c'est des métiers difficiles, compliqués. J'ai envie aussi de parler de ce que j'ai connu pour que ça reste un petit peu ma pierre à l'édifice, en fait. Alors, cette idée de transmission, elle est venue un soir lors d'un repas avec mes parents. D'accord. Donc, j'avais 12 ans et mon père est rentré de l'usine et on lui avait proposé un poste de contremaître. Donc, bon, pour un ouvrier italien, hein, mon papa est italien, je dis « et » parce qu'il est toujours vivant, il va avoir 90 ans dans quelques mois, il est en pleine forme. Et donc, il rentre à la maison, donc il dit à ma maman, voilà, ce poste de contremaître, on me l'a proposé, mais je ne pourrais pas le prendre parce que je ne sais pas bien lire et écrire. Donc moi, j'avais 12 ans. Quand on a 12 ans, on regarde son papa comme quelqu'un qui sait tout, qui sait tout faire, mais qui connaît tout, c'est un héros. Ah, oui. Voilà, et là, tout s'est écroulé. Et puis, j'ai eu une espèce de rage en moi. Et bien, quand on a 12 ans, on se dit, voilà, je laisserai pas ça comme ça, je vais venger mon père. On n'a pas d'autres mots quand on a 12 ans. Voilà. Et donc, je suis devenue professeure de lettres pour cette raison, parce que je ne voulais plus voir de jeunes, de personnes qui ne sachent pas bien lire. Ou cette espèce écrire. De ségrégation à l'emploi, il s'est empêché lui-même en sachant qu'il ne savait pas bien lire et pas bien écrire la langue française. Voilà, alors vous parliez de transmission, la transmission est arrivée à ce moment-là, et pour moi, transmettre des connaissances est une chose, mais transmettre des valeurs humaines, c'est bien plus important. Oui. Voilà, donc vous me parliez de transmission, comment est née cette idée de transmission? Ben, elle est née ce soir-là, lors de ce repas-là de famille, où j'ai pris conscience que mon papa ne pouvait pas accéder au meilleur, parce que, on ne lui avait pas transmis les capacités d'écriture, de lecture, de compréhension. Alors qu'il était, de pas mal de choses. Il était émigré italien, oui. Il avait dû s'adapter à beaucoup de choses, oui. Déjà, donc c'était déjà quelque chose de... Moi, je suis toujours très admirative de ces personnes qui arrivent, qui ne maîtrisent pas la langue française, ni le système administratif français qui est très complexe, et qui arrivent quand même à force de travail. Et là, du coup, peut-être que vous avez découvert que votre papa avait aussi ses faiblesses, parce que quand on a 12 ans, papa, c'est un demi-dieu. Oui, c'est un demi-dieu. Et puis, bah, ma foi, ça l'est toujours. Bah oui, mais c'est super. Moi, je trouve ça super. Alors, votre maman, maintenant, oui. Joue un rôle très prégnant dans le roman, mais toujours un peu en contraste, en filigrane. En fait, vous la faites apercevoir alors qu'on sait qu'elle est le pilier de la famille. Oui. Alors, le titre de mon livre est « Papa, j'ai grandi à l'école ». Donc là, on a un focus sur mon père. Je m'adresse à lui parce qu'il est vivant et parce que c'était son rêve que de voir sa fille publier un roman. Donc voilà, c'est fait. Je lui ai remis un soir dans son appartement. Je suis ressortie. Il n'était pas encore rentré. Quand il est rentré, il a découvert ça. Il a lu et il a pleuré. Ma maman, elle apparaît déjà en quatrième de couverture. Oui. Avec donc une anecdote qui pour moi est vraiment prégnante, essentielle, de ce moulin à café que j'ai toujours chez moi. Et puis elle est effectivement, sa présence est là, distillée un peu dans tout le roman, parce que sans elle, je pense que je ne me serais pas construite. C'est l'image de la maman qui est à la maison, qui est là présente toute la journée, qui est là présente pour aider ses enfants, qui est présente à midi, qui vient nous chercher à l'école, qui prend soin que tout se passe au mieux, ouais. Pour nous et qui nous donne une stabilité morale, psychique, qui est pour moi essentielle. Qui a joué son rôle à 600%. Oui, tout à fait. Ouais. Bon, je regrette qu'elle n'ait pas vu ce livre parce que elle est morte il y a maintenant 3 ans, en 2019. Mais je pense qu'on a suffisamment discuté ensemble et elle sait parfaitement ce qu'elle m'a apporté. Et donc, je tenais aussi à lui rendre hommage et je suis contente que vous l'ayez perçu à travers les pages de ce texte. C'était important d'en parler parce que ça fait, vous voyez, comme une ombre, mais tellement présente qu'on sait que ça n'en est pas une.

Alors, le premier roman, je l'avais écrit parce que mon papa voulait absolument hein, que j'écrive un roman. Il voulait que je lui fasse ce cadeau-là avant qu'il ne meure. Bon, on va espérer évidemment qu'il meure le plus lointain possible. Ah oui. Il m'a dit, lorsqu'il a lu ce texte, qu'il a beaucoup ému. Bon, Daniel, maintenant, ça suffit. Hein, tu vas arrêter de parler de nous et puis tu vas nous écrire autre chose. Il y a aussi ce côté... cette pudeur. Oui, c'est cette. Oui, je trouve. C'est une grande pudeur. Alors, quitte à choquer peut-être vos auditeurs, mon papa et ma maman ne m'ont jamais dit je t'aime. Ils n'avaient pas besoin de le dire. Vous le saviez. Oui, voilà, je le savais. Et bon, parfois on a. Enfin. Parfois, on n'a pas besoin de le dire si, les gens en ont souvent besoin. Mais là, en l'occurrence, c'était pas... Vous n'avez pas besoin des mots. Oui, ça n'était pas, savoir. En tout cas, dans leur éducation, oui. Leur manière de faire. Voilà, ils nous élevaient, ils nous donnaient à manger, ils nous permettaient de mener des études. Donc voilà, tout ça était dans le « je t'aime oui. ». Il était inutile de le prononcer. Donc pour la suite, j'ai commencé à rédiger, je suis en train de rédiger des nouvelles. Donc je change complètement là de registre, de courtes nouvelles. Bon là je finis la deuxième nouvelle, j'en aurai à peu près 8-9 dans mon nouvel ouvrage. Bon voilà, je ne peux pas en dire plus parce que bon, le processus de création se fait aussi par ce qu'on vit au jour le jour, par ce qu'on voit, ce qu'on entend. Donc on est. Moi, je suis très très influencée par la réalité, par le quotidien. Oui. Donc j'écris par rapport à ça, j'ai besoin de ça. C'est une façon aussi d'extérioriser des sentiments. Oui. Des ressentis. Oui, oui. C'est ça. Oui, c'est okay. Tout à fait ça. Et donc de les porter dans un texte sur des feuilles parce que je n'écris pas sur ordinateur, ça m'est impossible. Donc j'ai un grand cahier noir et dans lequel je gribouille tous les jours un petit peu. D'accord. Mes pensées que je mets ensuite en forme et là sous forme de petites histoires. D'accord. Et le passage sur ordinateur se fera après. Et pour moi, il est beaucoup plus difficile. D'accord. Toujours aux éditions Paroles de Lorrain ? Toujours aux éditions Paroles de Lorrain, oui. Donc oui. J'aurai l'occasion de vous recevoir à nouveau pour cette jolie découverte. Alors, on va faire notre dernière coupure musicale choisie par vous, Daniel, de Georges Brassens, Le Gorille. Pourquoi le gorille ? Bah écoutez, je pense que Brassens s'est amusé en écrivant cette chanson. Et puis finalement, à la fin, il s'est rendu compte qu'elle pouvait aussi porter un message, celui de l'opposition à la peine de mort. Ouais. Voilà, c'est un texte truculent, merveilleux. On rit. Et puis, en filigrane, il y a, je crois, d'autres sujets de société qui sont aussi abordés, comme par exemple l'homosexualité. Ouais. On peut lire ça donc en seconde lecture là, mais moi j'ai choisi cette chanson là parce que bon, j'adore Brassens et puis on rit énormément quand on écoute ces chansons. Donc après Le Gorille, on se retrouvera pour le caprice de la semaine. C'est à travers de larges grilles que les femelles du canton contemplaient un puissant gorille, sans souci du qu'en dira-t-on. Avec impudeur, c'est comme mère, lorgnait même un endroit précis, que rigoureusement ma mère m'a défendu de nommer ici. Gare au gorille. Tout à coup la prison bien close, où vivait le bel animal, s'ouvrant de c'est pourquoi je suppose qu'on avait dû la fermer mal. Le singe en sortant de sa cage, dit c'est aujourd'hui que je le perds, il parlait de son pucelage, vous aviez deviné j'espère, gare au gorille. Patron de la ménagerie, grille était perdu, nom de nom, c'est assommant car le gorille n'a jamais connu de guenon. Dès que la féminine engeance sut que le singe était puceau, au lieu de profiter de la chance, elle fif des deux fuseaux. Gare au gorille. « celle-là même qui naguère le couvait d'un œil décidé, fuit reprouvant qu'elle n'avait guère de la suite dans les idées. D'autant plus vaine était leur crainte que le gorille est un luron, supérieur à l'homme dans l'étreinte, bien des femmes vous le diront. Garogori, tout le monde se précipite, hors d'atteinte du Saint-Jean rut, sauf une vieille décrépite et un jeune juge en bois brut. Voyant que tout se dérobe, le quadruman accéléra, s'endandinement vers les robes de la vieille et du magistrat. Garogori, bah, soupirait la centenaire, qu'on pût encore me désirer, ce serait extraordinaire et pour tout dire inespéré. Le juge pense est impassible, qu'on me prenne pour une guenon, c'est complètement impossible, la suite lui prouva que non. Garogori, supposez qu'un de vous puisse être comme le singe obligé de violer un juge ou une ancêtre, lequel choisirait-il des deux? Qu'une alternative pareille, un de ces quatre jours mes choix, c'est j'en suis convaincu la vieille, qui sera l'objet de mon choix. Garogori, mais par malheur si le gorille au jeu de l'amour vaut son prix, on sait qu'en revanche il ne brille ni par le goût ni par l'esprit. Lors au lieu d'opter pour la vieille comme aurait fait n'importe qui, il saisit le juge à l'oreille et l'entraîna dans un maquis. Garogori, la suite serait délectable, malheureusement je ne peux pas la dire et c'est regrettable, ça nous aurait fait rire un peu. Car le juge au moment suprême criait maman, pleurait beaucoup, comme l'homme auquel le jour même il avait fait trancher le cou. Garogori, caprice de lecture sur Fadjet. Alors Daniel, votre caprice, à faire découvrir à nos auditeurs cette semaine. Alors je conseillerais à vos auditeurs de lire Grimbert, La plus précieuse des marchandises. C'est un texte assez court, hein, doit faire autour de 100 pages à peu près. Et puis l'histoire est vraiment poignante. C'est l'histoire d'une famille juive qui part dans ce train qui va les emmener vers l'extermination et quelque chose se produit dans le train. Et tout le reste de l'histoire donc, tourne autour de l'événement qui a eu lieu dans ce train. Et voilà, c'est vraiment extraordinaire à découvrir. Il a été mis en scène à Paris, donc il n'y a pas très longtemps. Et je pense que ça doit tourner encore, cette mise en scène-là. Donc voilà, il faut découvrir ce livre absolument. Il est écrit de manière simple. C'est très agréable à lire. On le lit vraiment une demi-heure, trois quarts d'heure, et on ne le quitte pas, ce livre. D'accord. Voilà. Okay. Donc, j'encourage vraiment vos auditeurs à aller lire, et même ceux qui n'aiment pas lire, eh bien, ils verront, ils seront surpris. D'accord. Merci beaucoup, Daniel, d'avoir été parmi nous aujourd'hui et d'avoir accepté mon invitation. Je rappelle le titre de votre livre, « Papa, j'ai grandi à l'école » aux éditions Paroles de Lorrain. Je vous souhaite à tous un très bel après-midi et à bientôt. Au revoir. Merci, au revoir.